بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant notre cours, le cours 52 dans l'explication du livre, le Sharh du Kitab al-Tawhid, du Sheikh, l'explication du Sheikh Abdurrahman ibn Hassan. Oh, est-ce que c'est Abdurrahman? Oui, c'est ça, Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est le petit-fils du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Son charh qui s'appelle Qurrat Uyun al-Muwahhidin et qui est commenté par le Cheikh al-Fawzan. Donc c'est un charh du charh. Et on est arrivé maintenant à expliquer un point qui est le fait que Ibrahim alayhi salam, parce qu'on est dans le chapitre Babun al-Khawf min al-Shirki. Al-Khawf min al-Shirk, la peur du shirk. Donc ici il explique que Ibrahim alayhi salam, malgré son statut et son degré, hein, eh bien, il a eu peur de commettre le shirk. Il a eu peur de commettre le shirk. Donc, ça veut dire, si lui, il a eu peur de commettre le shirk, tous les musulmans devraient également, eux aussi, avoir peur de tomber dans le shirk et de commettre le shirk. Et la raison pourquoi il a eu peur de commettre le shirk, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la suite de ce que Ibrahim a demandé, il a dit, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Écarte-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Et il dit ensuite, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Seigneur, elles ont égaré beaucoup d'entre les hommes. Donc ces idoles-là, elles ont égaré beaucoup d'entre les hommes. C'est la raison pour laquelle il a peur, hein, et qu'il demande à Allah cette protection, hein, contre le shirk. Et ça, c'est dans le verset 36 dans Sourate Ibrahim. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il dit وَهَذَا فِيهِ أَلْخَوْفُ مِنَ الْفِتْنَةِ إِذَا انْتَشَرَتِ الْفِتْنَةِ فِي النَّاسِ فَإِنَّ أَهْلَ الْإِيمَانِ يَخَافُونَ مِنْهَا أَنْ تَسْرِي إِلَيْهِمْ وَإِلَى أَوْلَادِهِمْ وَهَذَا مِمَّا يُجِبُ عَلَيْنَا الْحَذَرُ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنَ الَّتِي انْتَشَرَتْ وَعَمَّتْ وَطَمَّتْ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ أن نخاف منها على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا فالشر إذا كثر عظم خطره بخلاف إذا قل أو خفي فإنه لا يضر إلا أهله ولكن إذا ظهر وأعلن فإن الخطر على الجميع. Donc le Cheikh il dit ici la peur du shirk, hein, ou la peur de la fitna par rapport au shirk, hein, ou par rapport à n'importe quelle autre fitna, lorsqu'elle se propage, eh bien les gens de la foi doivent avoir peur d'être affectés par cette fitna, ou qu'elle puisse même affecter leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous obliger d'être sur nos gardes vis-à-vis des fitanes qui se propagent, surtout lorsqu'elles deviennent généralisées et qu'elles commencent à, hein, se propager dans les sociétés musulmanes, eh bien, on devrait avoir peur de ces fitanes, de ces épreuves, de ces tribulations, de ces problèmes. En particulier dans nos maisons et lorsque ça commence à affecter nos enfants, parce que lorsque la fitna devient grande et devient, hein, importante, eh bien, elle commence à être encore plus dangereuse. Contrairement à lorsqu'elle est peu ou lorsqu'elle est cachée, là, elles ne font que du tort à ceux qui le font ou ceux qui sont dedans. Mais lorsque c'est quelque chose qui commence à devenir apparent et divulgué et ouvert, alors là, le danger de ces fitanes commence à affecter tout le monde. Et tout le monde est touché par le danger de ces fitanes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans plusieurs versets, le terme fitna pour désigner le shirk dans plusieurs versets. Hein? Comme par exemple, wal fitnatu ashaddu min al qatl. Wal fitnatu ashaddu min al qatl. Et les ulama, ils ont dit ici, al fitna, il s'agit du shirk. Hein? Et dans l'autre verset, dans plusieurs versets, il y a des exemples comme ça. Et ici, le Cheikh, il dit, Ensuite, وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده. فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. ونسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc ici le cheikh il explique que beaucoup d'entre les nations se sont égarés à cause de l'adoration des idoles, et ça c'était à l'époque de Ibrahim al-Khalil, le bien-aimé d'Allah, et avant lui et après lui. Donc il y a eu du shirk avant Ibrahim, il y a eu du shirk à l'époque d'Ibrahim, il y a eu du shirk après l'époque d'Ibrahim. Et donc quiconque réfléchit, médite sur le Coran et sur ce qui est mentionné à propos des différents peuples dans le Coran, il va connaître la réalité de l'état des créatures et comment ils sont. Et ce dans quoi ils sont tombés comme exemple de grande forme de shirk, et pour la raison pour laquelle Allah a envoyé ses différents prophètes et ses messagers pour interdire ce shirk qui s'était produit, et la menace qu'il a mentionnée à propos de ceux qui commettent ce genre de péché-là et ce genre de shirk, et la récompense pour celui qui l'a délaisse, pour qui abandonne le shirk. La récompense de celui qui abandonne le shirk, elle est immense. Hein? Et c'est le paradis. Il n'y a pas de meilleure récompense que ça. Et il dit le cheikh, وَقَدْ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ. Il y en a des gens qui ont péri. Et ceux qui ont péri, parmi ceux qui ont péri, c'est parce qu'ils se sont détournés du Coran. Hein? Et parce qu'ils ont ignoré les ordres d'Allah. Hein? Et ce que Allah a interdit. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur l'islam et de nous garder sur la droiture et rester ferme sur l'obéissance jusqu'à ce qu'on le rencontre en étant sur l'unicité d'Allah et le tawhid. Et certes, c'est lui qui a la capacité de faire cela et qui peut justement nous protéger dans ces choses-là. Et il n'y a pas de mouvement ni de force excepté en Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très grand. Le cheikh, il explique donc ce point-là, et on va lire quelques commentaires par rapport à cet énoncé que le cheikh a mentionné. Cheikh Al-Fawzan, il dit, par rapport justement au shirk qui s'était produit à l'époque d'Ibrahim, avant et après, il dit à ce sujet-là, il dit, « Min ahdi Nuh, alayhi salam, wa shirku lam yartafi' min al-ard, lamma ghalaw fi s-salihin, wa nasabu suwarahum, hadatha shirk, wa stamarra. » Donc, il dit depuis l'époque de Nuh, alayhi salam, que le shirk est apparu parmi les êtres humains. Contrairement à ce que les kuffars prétendent, que la base chez les êtres humains, ou l'origine chez les êtres humains, c'était l'idolâtrie. Et que les hommes, à l'origine, étaient idolâtres. Puis que par la suite, donc ils disent les hommes étaient polythéistes, et après ils sont devenus monothéistes. Que le monothéisme est venu plus tard dans l'histoire. Et ils pensent donc que c'était uniquement à l'époque, par exemple, des prophètes comme Moussa, par exemple, que le monothéisme est apparu. Alors que c'est faux. Puisque, même Adam, alayhi salam, qui est le premier être humain, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné le tawhid aussi. Donc, tous les hommes étaient sur le tawhid. Depuis Adam jusqu'à Nuh, alayhim as-salam, ces deux prophètes, ils ont tous été, les générations qui ont été entre les deux, ont tous été sur le tawhid. Et ils disent qu'il y a eu à peu près 10 générations entre les deux. Et c'est par la suite que le shirk est apparu à l'époque de Nuh, alayhim as-salam. Et Allah, justement, a envoyé Nuh pour appeler son peuple au tawhid et les ramener. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que il a fait qu'est-ce qu'il a fait, hein? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait le déluge et tous les êtres humains ont péri, excepté Nuh et sa famille. Et ils ont reparti l'humanité à nouveau. L'humanité a recommencé à nouveau à partir de Nuh. Donc ils disent que le deuxième père de l'humanité après Adam, c'était Nuh, alayhi salam. Mais même après Nuh, alayhi salam, le shirk est réapparu par la suite. Le shirk est réapparu par la suite plus tard. Et donc, il explique le shirk qu'à l'époque de Ibrahim, alayhi salam, tous les êtres humains étaient sur le shirk, excepté Ibrahim. Excepté Ibrahim, naam. Donc, le shirk, il dit, depuis l'époque de Nuh, alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu du shirk sur la terre. Et en même temps, il y a toujours eu du tawhid, mais le tawhid a toujours été limité, hein, ou moins nombreux que ceux qui font le shirk. Et le cheikh, il explique et il dit donc, par rapport à ça, la raison pour laquelle les gens sont tombés dans le shirk à l'origine, c'était à cause de l'exagération au sujet des hommes pieux. Il dit لما غلوا في الصالحين ونصبوا صورهم حدث الشرك واستمر وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. Donc depuis que les gens ont exagéré à propos des hommes pieux et qu'ils ont établi leurs images et leurs statues et que les gens ont commencé à faire du shirk, c'est quelque chose qui a continué par la suite et qui va continuer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Donc, il y aura toujours du shirk. Même que parmi les choses que le prophète sallam a mentionnées, c'est que même en Arabie, le shirk va revenir à la fin des temps. Et que les gens vont commencer à adorer les idoles de la jahiliya. Ouais, avant la fin des temps. Et il y a le hadith à ce sujet-là qui est mentionné dans le Kitab al-Tawhid, justement. Quand on arrivera à ce moment-là, on expliquera cet aspect-là. Donc, il ne faut pas s'étonner. Hein, de qu'est-ce qui arrive. C'est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait déjà expliqué et annoncé tout ça. Mais vous voyez par exemple qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans parfois de la part des koufars qui déclarent par exemple certaines statues ou certaines idoles ou certaines constructions, des mausolées ou des tombeaux. Et ils les déclarent comme étant des monuments. Ils disent que c'est des monuments. Hein? Historiques ou des patrimoines nationaux, ou bien des, comme ils disent, c'est une merveille du monde, hein, des merveilles du monde, ou patrimoine mondial, ou je ne sais pas quoi, alors que c'est des statues, des idoles, du shirk à la base. Yani, ça fait partie des statues, ça fait partie des choses qui sont des représentations qui sont interdites. Ça, c'est clair. Et que même s'il n'y a pas des gens qui vont là-bas pour se prosterner devant, mais malgré tout, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Comme c'est arrivé à l'époque de Nuh, alayhi salam, que des hommes ont oublié, hein, pourquoi ils avaient érigé les statues de Wad, wa Suwar, wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasr, et qu'ils ont commencé à les adorer parce que le shaitan les a poussés vers ça. Et à l'origine, ce n'était pas pour les adorer. C'était pour se rappeler d'eux et pour essayer d'imiter leur exemple de piété, hein, et de vertu et des bonnes qualités qu'ils avaient pour se rappeler d'eux. Ces hommes-là, ils étaient des grands hommes, c'était des hommes importants, c'est des hommes qui ont fait des belles choses. Donc on veut les prendre comme exemple et comme modèle. Sauf qu'après quelques générations, les gens ont oublié la raison pour laquelle les statues avaient été érigées. Et donc, ils ont dit, ah, si nos ancêtres avaient fait ça, c'était parce qu'ils les adoraient, hein, ou ils les prenaient comme intermédiaires entre eux et Allah, et ils ont commencé à les adorer. Donc, si par exemple, après un certain temps, les hommes, hein, il arrive quelque chose, puis les gens, ils oublient la science ou ils oublient la connaissance, ils commencent à dire, ben, pourquoi nos ancêtres ont construit ça? Peut-être parce que c'est parce qu'il faut les adorer, c'est des divinités ou des choses comme ça, et ils commencent à les adorer en dehors d'Allah. Ou à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et donc, c'est comme ça que le shirk commence. Et donc, le shirk, il explique par la suite, par rapport au fait que le fait de tenir compte du danger du shirk et du fait que Allah a envoyé des prophètes pour l'interdire, et qu'il y a une récompense du fait de le délaisser ou de l'abandonner. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, cheikh Al-Fawzan, الشيء العجيب أن هؤلاء الذين يدعون الأولياء والصالحين أنهم يقرؤون القرآن ويحفظونه وربما يحفظه الواحد منهم بالقراءات السبع أو العشرة ويتلوه ويرتله ويجوده ومع هذا تمر عليه الآيات التي فيها الشرك ولا يتنبه لها وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينظر لغير الله وكأن القرآن مجرد ألفاظ يرددها من غير أن يتدبرها ويعمل بما فيها. Donc le cheikh dit, qu'est-ce qui est étonnant de la part de certaines personnes qui adorent des idoles ou qui prient à des saints ou à des hommes pieux et qui les invoquent en dehors d'Allah et les adorent en dehors d'Allah. Parmi les musulmans, eh bien, ou parmi les gens qui se disent musulmans, il y en a des gens qui parfois sont même des mémorisateurs du Coran. Ils le mémorisent par cœur. Et certains même d'entre eux, non seulement ils mémorisent le Coran par cœur, mais ils mémorisent différentes récitations du Coran, des qira'at, parfois 7, parfois 10. Et donc, ils récitent le Coran. Et non seulement ils le récitent, mais ils le récitent avec une belle voix et ils connaissent les règles et ainsi de suite. Et le cheikh dit, et malgré ça, ils passent sur des versets qui interdisent le shirk et qui mentionnent le péché, la gravité du shirk et ainsi de suite, et ça ne les empêche pas d'invoquer d'autres que Allah, et de faire des sacrifices pour autres que Allah ou faire des vœux pieux pour autres que Allah. Donc ils font du shirk malgré qu'ils lisent les versets qui interdisent le shirk. Et le cheikh, il dit que c'est parce que lorsqu'ils récitent le Coran, on dirait que c'est juste pour lire des mots, mais ils ne Yani donne à ces mots-là aucune importance. C'est juste les réciter et les répéter sans aucune réflexion et sans aucune méditation et également pas pour le mettre en application. C'est-à-dire qu'ils ne récitent pas le Coran pour le mettre en application, mais juste pour avoir la baraka, la baraka ou les hasanat. Il y a des gens qui récitent le Coran que pour les hasanat. Ils disent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, que alif lam mim, chaque lettre c'est 10 fois la récompense. Donc, il calcule, il dit, bon, moi, je vais avoir beaucoup de hasanat, je récite les lettres. Mais il ne réfléchit pas sur qu'est-ce qui est mentionné comme signification dans ces lettres-là et qu'est-ce que ça implique comme action et qu'est-ce que ça implique comme interdiction et qu'est-ce que ça implique comme croyance et qu'est-ce que ça implique comme pratique et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui arrive maintenant. Et le cheikh, il dit ensuite, وقد هلك من هلك. Donc on a lu ça tout à l'heure. Le cheikh, il explique donc que ces invocations que le cheikh a fait par rapport à le fait de nous garder fermes sur le tawhid, sur l'islam, et de rester sur le tawhid jusqu'à ce qu'on rencontre Allah, et bien ça c'est des invocations que le cheikh il a fait. Et il termine cette invocation en disant ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأن الحول والقوة لله والإنسان لا يعتمد على نفسه في ترك الشرك ولزوم التوحيد وإنما يعتمد على الله عز وجل. Donc ça c'est important, c'est que ces invocations que le cheikh il a fait, il dit à la fin, il a dit ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et الحول c'est le mouvement et القوة c'est la force. Donc il n'y a pas de mouvement ni de force excepté en Allah, le très haut, le très grand. Et le cheikh, il dit, pourquoi il mentionne ça dans l'invocation à la fin? C'est parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de mouvement ni de force excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un est sur le tawhid et si quelqu'un a réussi à s'écarter du shirk, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit mettre sa confiance en Allah et se reposer sur Allah et non pas sur lui-même uniquement, et son intelligence et sa capacité personnelle pour dire que s'il est sur la foi, c'est parce qu'il est intelligent, ou s'il est sur la foi, c'est parce qu'il a compris, il est fort mentalement, il arrive à comprendre, donc par conséquent, il est croyant, il est sur le tawhid, tandis que les gens qui sont sur le shirk, hein, c'est uniquement parce qu'ils ne sont pas intelligents comme lui, ou des choses comme ça, alors c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité que lui a. Non, tout ça, ça vient de la grâce d'Allah et c'est en Allah qu'il faut mettre notre confiance avant toute chose par rapport aux questions de la foi et à la guidance, parce que c'est Allah qui guide. Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah égare, personne ne peut le guider, même si c'est le plus intelligent des hommes. Même si c'est le plus, hein, le plus rationnel des hommes. Même s'il a un QI de je sais pas quoi, 140 ou je ne sais pas combien. Hein? Ce n'est pas ça qui détermine. Sinon, il y a des hommes qui ont été connus comme étant des génies parmi les êtres humains, comme Einstein. Hein, ils disent qu'il avait un QI très, très fort, très élevé. Ou d'autres penseurs, ou d'autres grands hommes dans l'histoire de l'humanité qui étaient extrêmement intelligents aussi. Et pourtant, c'était des koufars et des mouchriquins. D'accord? Donc, le fait que quelqu'un soit extrêmement intelligent ou qu'il ait un QI élevé, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement guidé. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement croyant. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est nécessairement sincère ou qu'il est nécessairement pur, hein, dans ses intentions et dans son cœur. Et non. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, وَقَالَ تَعَالَى إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَدَّ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ كَمَا رَدَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ يعني وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 118 dans sourate Al-Ma'ida, la parole de Isa alayhi salam, lorsqu'il parle à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il dit, si tu les châties, ce sont tes serviteurs, hein, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, alors tu es certes, hein, toi, le Tout-Puissant, le Sage. Donc c'est ainsi que yani Isa alayhi salam a mentionné que c'est à Allah que revient leur sort, c'est à Allah que revient, hein, leur sort, c'est-à-dire qu'est-ce qui va advenir d'eux, comment Allah va les juger, c'est lui qui va décider à leur sujet. Et il a mentionné également dans ce qu'il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son jugement à propos des gens du shirk. C'est-à-dire qu'il ne va pas pardonner à celui qui commet du shirk. Hein? Donc, il n'y a pas d'opposition à ça. De même qu'il a clarifié également son jugement par rapport, hein, à ces gens qui commettent le shirk dans son livre. Et c'est un livre qui n'est approché par le faux, ni par devant, ni par derrière. Et c'est une révélation d'un sage digne de louange. En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il explique par rapport à ça l'exemple du verset qu'il a cité ici, et il cite le verset en entier, les versets 116 et 117 dans Sourate Al-Ma'ida. Lorsque le cheikh, il dit, Isa, alayhi salam, عندما يقول الله له يوم القيامة, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, إن كنت قلته فقد علمته, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به, أن يعبدوا الله ربي وربكم, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم, وأنت على كل شيء شهيد, إن تعذبهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, فوض الله ففوض الأمر إلى الله, وهذا من تمام التوحيد. Donc le cheikh il explique par rapport à ce verset dans sourate Al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Jésus, hein, Isa alayhi salam, au jour de la résurrection, et il lui pose la question devant tout le monde. Hein? Est-ce que c'est toi qui as dit, hein? Est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira gloire à toi et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais demandé, à savoir, hein, de leur dire, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu les châties, c'est-à-dire si tu les punis, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Hein? Donc, le cheikh, il explique, il dit, Allah, Isa alayhi salam, il a renvoyé leur sort à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça montre, hein, le sens, la compréhension et le sens complet de la signification du tawhid, de s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, complètement. Et ensuite, par rapport à qu'est-ce qu'il a mentionné au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié le jugement à propos des mushrikines, et que Allah ne va pas leur pardonner, et que cela est clarifié également dans le Coran, et que le Coran n'est pas touché par le faux, ni par devant, ni par derrière, il dit à ce sujet-là, فَلَا نَقُولُ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَعْنَاهُ إِنَّ أَمْرَ الْمُشْرِكِ مُفَوَّضٌ لَا نَدْرِي مَا جَزَاؤُهُ بَلْ جَزَاؤُهُ بَيَّنَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَالْقُرْآنُ بَيَّنَ قَوْلَ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا الْمُشْرِكُ لَا طَمَعَ لَهُ فِي مَغْفِرَةِ اللَّهِ وَأَنَّهُ مَحْرُومٌ مِنَ الْجَنَّةِ. Donc il dit le cheikh que lorsque Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala le cite comme ayant dit, yani, et si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es certes celui qui est le Tout-Puissant et le Sage, ça ne signifie pas que yani, le cas du mushrik, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne connaît pas comment il va les juger ou comment sera sa rétribution. Non. Parce que sa rétribution, elle a été clarifiée par Allah dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran nous a clarifié la signification de la parole du Messie, c'est-à-dire Al-Masih, Isa, alayhi salam, le fils de Marie, et que son sort, c'est qu'il est mushrik, et puisqu'il est mushrik, c'est-à-dire celui qui fait le shirk avec Allah, wa alaykoum salam, celui qui fait le shirk avec Allah, donc il est mushrik, et peu importe. Il n'aura pas d'espoir de pouvoir obtenir un pardon d'Allah et il sera donc privé du paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, yani, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque fait le shirk avec Allah, Allah lui interdira le paradis. Hein? Donc le paradis est haram pour lui. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit donc, le Coran a clarifié la parole du Messie, que le mushrik n'aura aucun espoir du pardon d'Allah, ni hein, et qu'il sera privé du paradis. Donc ça, c'est clair. Et ensuite, l'explication de qu'est-ce que le cheikh a dit ensuite, il dit « Wa qawluhu fil hadith li ashabihi sallallahu alayhi wa sallam akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar fasu'ila anhu faqal ar-riya' » وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخاف عليه الصلاة والسلام على أصحابه الذين وحدوا الله في العبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في كثير من الأقطار، حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه. Donc ici le cheikh il explique que ensuite le hadith que le cheikh a mentionné dans ce chapitre à propos du shirk et de la peur du shirk, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit à ses compagnons: ce que je crains le plus parmi les choses que je crains pour vous, c'est le shirk mineur, al-shirk al-asghar. Et lorsqu'on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est le shirk mineur, il a dit c'est al-riya, l'ostentation, le fait de faire des œuvres dans le but de se faire voir et de se faire glorifier par les hommes. Et le cheikh, il dit que ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmad, par At-Tabarani et par Al-Bayhaqi. Et il dit qu'il est rapporté selon Mahmoud ibn Labid. Et donc, il dit que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, craignait pour ses compagnons, ceux qui ont été des gens qui ont été sur le tawhid, dans l'adoration d'Allah, et qui ont préféré le tawhid à toute autre chose, et qui ont fait ce que Allah leur a ordonné, ainsi que le messager, et qui ont fait la hijra, ils ont quitté tout pour aller vers le messager et faire la hijra vers lui, et qui ont fait le jihad contre ceux qui ont renié la foi en le messager. Ils ont connu la signification de ce à quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. Et ils ont également connu ce que Allah a révélé dans son livre à propos de la pureté dans l'adoration et dans l'intention et le fait de se désavouer du shirk et ainsi de suite. Ils ont su tout ça. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et donc c'est ce que je crains le plus pour vous, le shirk mineur. Et donc il dit, donc comment n'allons-nous pas avoir peur dans ce cas-là, alors que nous n'avons rien par rapport à tout ce que les sahaba ont fait pour l'islam et pour cette religion, et tous les sacrifices et tous les efforts qu'ils ont fait dans l'islam, nous on a qu'une petite portion de ce que eux ont comme science et comme pratique de la religion musulmane. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne devrait pas avoir encore plus peur? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ses compagnons lorsqu'il leur a dit ça, eh bien nous on devrait avoir encore plus peur de ces différentes formes de shirk, parce qu'on n'a même pas le degré et le niveau de ses compagnons radiyallahu anhum. Et donc le cheikh il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même informé la umma qu'il y allait se produire du shirk majeur vers la fin des temps. Et comme il mentionne cela dans le hadith qui est rapporté selon Thauban et qu'on va mentionner plus tard, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certaines tribus de ma umma vont rejoindre les mouchriquines. Et il dit jusqu'à ce qu'un groupe, des petits groupes d'entre eux, de ma umma adoreront les idoles. Des petits groupes de ma umma adoreront les idoles. Et ça, il dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, eh bien ça s'est produit et c'est devenu répandu même dans certaines régions du monde musulman, au point où que c'est devenu quelque chose qu'ils ont pris comme religion. C'est devenu comme une partie de la religion pour certains. Et ça nous montre donc l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti et de ce qu'il craignait pour sa umma. Et le fait que les gens font ce genre de choses alors que les versets clairs et explicites sont mentionnés à ce sujet-là et que les hadiths authentiques qui interdisent le shirk et qui font peur vis-à-vis du shirk sont clairs dans la sunna également. Et malgré ça, les gens sont tombés dans ces genres de péchés-là. Donc le cheikh, il explique ensuite à propos de ça, cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires. Il dit, وَقَوْلُ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ لِلصَّحَابَ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الشِّرْكُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله وصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل والشرك الأصغر على قسمين شرك ظاهر على اللسان وذلك بالأقوال يعني مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وشرك خفي في القلب وهو الرياء لا يطلع عليه إلا الله عز وجل إلا الله عز وجل ما هو الرياء الرياء أن يقوم الإنسان بالعبادة من أجل مدح الناس له يتصدق من أجل أن يمدحه الناس ويخشع في الصلاة من أجل أن يمدحه الناس ويطلب العلم من أجل مدح الناس له إلى غير ذلك يقصد بعمله مدح الناس وثناءهم هذا هو الرياء مأخوذ من الرؤية فإذا أحب الإنسان الناس أن الناس يرون عمله فهذا هو الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر لأنه ليس فيه دعاء لغير الله ولا ذبح لغير الله ولا استغاثة لغير الله وإنما فيه قصد لغير الله فقط وهو يصدر من المؤمن ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم أفضل القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء فمن يأمن الرياء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم donc on va expliquer jusqu'ici après on va continuer le cheikh explique que يعني le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit à ses compagnons ce que je crains le plus parmi ce que je crains pour vous c'est le shirk mineur C'est la preuve que le shirk se divise en deux catégories, premièrement. Le shirk majeur et le shirk mineur. Le shirk majeur, c'est comme par exemple les adorations qui sont offertes à autre que Allah. Comme par exemple celui qui fait des invocations et qui demande à autre que Allah. Ou la personne qui fait un sacrifice et qui égorge un animal pour autre que Allah. Ou qui offre à une chose ou à une personne en dehors d'Allah une adoration quelconque. Ça, c'est du shirk majeur. Le shirk mineur, c'est de deux catégories. Le shirk qui est mineur mais qui est apparent, c'est-à-dire celui qui est apparent sur la langue, comme par, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, comme par exemple lorsque quelqu'un il dit des paroles et que ces paroles-là impliquent une forme de shirk mais qui n'est pas explicite. Comme par exemple, lorsque quelqu'un dit « Masha'Allahu wa shi'ta ». C'est-à-dire, quand quelqu'un dit « Ce que Allah veut et toi ». Ce que Allah veut et toi. Donc ça donne l'impression qu'on est en train de mettre la volonté d'Allah et la volonté de la créature à égalité en utilisant « et » entre les deux. Donc ici, c'est quelque chose qui donne une ambiguïté. Par conséquent, c'est une forme de shirk mineur. Ici, l'exemple aussi, laoula Allah wa ant. Si ce n'était d'Allah et de toi. Si ce n'était d'Allah et toi. Donc ça donne aussi, encore une fois, cette ambiguïté-là. Qu'on est en train de dire, si ce n'était que d'Allah et de toi. Le fait d'utiliser, d'utiliser et entre Allah et une créature, ça donne l'impression qu'on est en train de les mettre à égalité. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de dire, plutôt que de dire « et », de dire « puis » ou « ensuite ». C'est-à-dire, si ce n'était d'Allah, puis de toi. Ou ce que Allah a voulu, et ensuite toi, ou puis toi. Pour qu'on comprenne qu'il y a un décalage, et un écart entre les deux, et non pas une égalité. Et un autre exemple aussi de shirk mineur dans les actions, c'est le fait de faire, ou bien plutôt dans les shirk mineurs, dans les paroles encore, le fait de jurer par autre que Allah. Et ça se produit souvent de la part de certaines personnes qui disent par exemple, je jure par ma mère, je jure par l'honneur, je jure par ci, je jure par ça, je jure par la Kaaba, ça c'est, je jure par le prophète, ça c'est du shirk. Sauf que c'est du shirk mineur. Et ça peut parfois même être majeur dans certains cas. Donc ça, c'est des exemples de shirk asrar, mais qui sont apparents sur la langue. Après, le cheikh, il dit, il y a du shirk qui est mineur et qui est caché dans le cœur, et c'est l'ostentation. Et ça, il n'y a personne qui le sait ou qui le connaît. C'est-à-dire, il n'y a personne qui sait que cette chose-là se produit, excepté Allah. Et c'est quoi l'ostentation ou ar-riya? Ici, il s'agit de la personne qui se lève pour faire une adoration dans le but que les gens le glorifient ou que les gens lui fassent des éloges par rapport à cette adoration-là. Comme par exemple quelqu'un qui donne de l'argent dans le but que les gens lui fassent des... Hein, pour que les gens lui fassent des éloges en disant, oh, il est très généreux cet homme-là. Hein? Donc ça donne l'exemple ici de Ria. Ou bien quelqu'un qui se lève pour faire sa salat et qui essaie de montrer plus de dévotion, plus de recueillement dans sa prière que en réalité pour se faire remarquer des gens et pour que les gens disent de lui, oh, regardez comment il est concentré, regardez comment il est pieux. Hein? Ou bien quelqu'un qui recherche la science ou le savoir de la religion, hein, pour que les gens disent, oh, regardez comment il est érudit, comment il a de la connaissance, comment il a étudié et des choses de ce genre. Et le cheikh, il n'a pas mentionné plus d'exemples que ça, mais on peut rajouter beaucoup. Hein. Comme par exemple quelqu'un qui récite le Coran pour que les gens disent de lui qu'il a une belle voix. Hein. Des choses de ce genre. Tout ça rentre dans Ar-Riya. Et la personne qui fait ça, elle n'a pas de récompense pour qu'est-ce qu'elle fait. C'est-à-dire, Allah, il ne va pas la récompenser pour ça. Parce que la personne, elle ne le fait pas pour Allah, elle le fait pour être glorifiée et pour que les gens disent de lui du bien. D'accord? Elle veut être glorifiée par les gens. Donc ça, ce n'est pas bien. Hein? C'est du shirk mineur. Et on le tire, ce terme-là de riya, on le tire du terme ru'ya, qui veut dire le fait que quelqu'un aime, le fait de se faire voir ou de voir. Et ici, c'est lorsque quelqu'un aime que les gens le voient faire des bonnes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça un shirk mineur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adoration qui est offerte à autre que Allah en réalité dans ça. C'est seulement dans l'intention qui est pour autre que Allah. Et ça peut se produire même d'un croyant. C'est-à-dire que même un croyant peut faire du shirk mineur. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de ça pour ses, hein, pour ses compagnons. Et malgré que ce sont eux les meilleures générations et les meilleures créatures, hein, après les prophètes, mais malgré ça, il avait peur pour eux de ça. Donc le cheikh, il dit, si il craignait pour ses compagnons de ce genre de choses, alors que dire de ceux qui sont venus après les sahaba? Hein? On devrait avoir encore plus peur. Et il dit, « Iza kana yakhafu ala sahaba ma'a ma lahum min jala'il, hein, min jala'il al-a'mal, fa kayfa ya'manuhu man huwa dunahum ala nafsihi, fa ala l'insan an yukhlis a'malahu lillah azza wa jal, wa la yaqsud رياء ولا سمعة وهذا هو الخوف من الشرك الأكبر والشرك والخوف من الشرك الأصغر وهذا يدل عليه حديث أخوف ما أخاف عليكم. Donc le cheikh il dit, donc si les sahaba avec toutes les grandes œuvres qu'ils ont fait pour l'islam et pour Allah et pour la religion et même eux, hein, ils devaient avoir peur pour leur shirk. Pour le shirk mineur, par exemple, de tomber dans le shirk mineur ou de faire du shirk mineur, alors dans ce cas-là, c'est qui peut prétendre en dehors d'eux ou après eux de ne pas d'être en sécurité? Qui peut prétendre après eux être en sécurité de tomber dans le shirk mineur, hein, après eux, alors que nous, on n'a même pas un niveau ou un degré élevé par rapport à eux. Et donc, il dit, c'est pour ça que les hommes doivent être purs dans leurs actions, les hommes et les femmes. Quand on dit les hommes, ça inclut les femmes aussi. Hein? On doit tous faire preuve de ikhlas, c'est-à-dire de pureté et de sincérité dans notre intention, dans nos œuvres, pour qu'elles soient pures pour Allah seul. Et donc, on ne doit pas avoir d'intention de vouloir se montrer ou de vouloir se faire entendre. Et il faut avoir peur de ça. De même qu'il faut avoir peur du shirk majeur, il faut aussi avoir peur du shirk mineur aussi. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith qu'on vient de lire. « Akhwafu ma akhafu alaykum »« Ce que je crains le plus, hein, parmi ceux que je crains pour vous. » Et donc, ça c'est un bon exemple ici pour montrer pourquoi le cheikh il a mis ce hadith-là dans ce chapitre. Parce qu'il est relié justement au sujet du chapitre qui est le fait d'avoir peur du shirk. D'accord ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera ça au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.